Rafa Silva e Mehdi Taremi. Chaves e Bolonenses podem mexer de divisão nesta sexta-feira. O Rally de Portugal, a final a 4 de hóquei em patins e os 40 anos de saudade de Joaquim Agostinho. Jornal do Desporto, edição Fernando Eurico. Une radio pour toi. Une radio pour moi. Notre radio. Radio Arc-en-Ciel. Ah, tu vois comme tout se mêle. Les deux cœurs à tes lèvres, je deviens un casse-tête. Ton rire me crie de te lâcher avant de perdre prise et d'abandonner. Car je ne t'en demanderai jamais autant. Déjà que tu me traites comme un grand enfant. Et nous n'avons plus rien à risquer, à part nos vies qu'on laisse de côté. Et il m'aime encore, et moi je t'aime un peu plus fort. Mais il m'aime encore, et moi je t'aime un peu plus fort. C'en est assez de citer, de commencer plus dur à faire. Bonjour à tous et à toutes, 13h34, et bien voilà le retour de l'émission comme tous les vendredis après-midi. Voilà aussi, bien, j'espère que vous avez passé tout simplement une très bonne matinée, tout simplement, et bien ainsi très bonne semaine, tout simplement. Voilà avec tout simplement et bien avec le 8 mai, tout cela, bien c'était un peu tout simplement de l'attention, voilà, tout simplement, il y avait la fête, tout simplement, mais il y avait aussi tout simplement le pont, tout ça, donc il y avait plus de congés, tout simplement. Voilà donc, et bien nous sommes ensemble toute l'après-midi avec plusieurs chansons différentes. Voilà donc on va continuer bien sûr les chansons et voici Alain Chamfort et puis juste après c'est Jérôme. Bon après-midi avec Nicolas sur Arc-en-Ciel. Voir ce mur auquel je suis accroché.

Gassé, indisposé.

jours, saveur amère, d'homme interdit, à goûter les plaisirs que Dieu punit. Attends un peu avant de te faire emmerder par

déjà repartir. Retrouver l'aventure qui n'aurait pas dû finir. S'il y a du bruit dans ta nuit, des larmes dans ton cœur, la musique est là pour ça. Il y a toujours une dernière vie pour la journée. Allez, tape dans tes mains, ça porte bonheur. C'est magique, un refrain qu'on reprend tout son cœur. Et ça fait rire les oiseaux, ça fait chanter les abeilles, ça chasse les nuages.

Ainda tenho o teu sabor na minha pele. E apagar-te os meus desejos. Mas o meu coração quer teus lábios de mel. Foste embora, sem dizer nada. E agora estou sozinha, sem te ter. Maldita hora que a minha alma se encantou por um momento de verdade.

past. Don't hesitate. Now we're standing face to face. If heaven is the only place, would you take my hand? Just tell me. Los cabellos. meses llegando. Si no agua florecente. Voici donc Roxane et puis juste après les Whoppers. Les Whispers. Impatience, impatience, j'ai

can't look in her eyes. She's out of my league. Just a fool to believe I have everything she needs. She's like the wind.

là pour arracher celui que ça laisse froid. C'est le genre de fille à qui tout le monde fait la cour. Toi ne lui tourne pas autour. Marche droit, va cette fille là. C'est comme ça que tu l'auras. Marche tout droit, va cette fille là. Ne la regarde surtout pas. Marche tout droit, va cette fille là. Te ferait perdre ton sang froid. Elle est bien trop mignonne pour t'y risquer. Tu pourrais pas résister. Lesquelles tu aimes bien te retourner. Maintenant c'est terminé. Marche tout droit, va ces filles-là. Ne les regarde surtout pas. Ou t'auras mer à mort. Vous voici donc Rika Zaraï. Et puis juste après Richard Anthony. Si longtemps, c'était à Prague et je venais d'avoir 20 ans. Tout était clair en ce premier jour de mai. Tout était clair et tu disais que tu m'aimais. Il y avait un violon qui jouait dans la rue. Était triste avec son manteau de pluie. Prague était triste avec ses rues tout endormies. C'était l'automne et j'avais le cœur serré. C'était l'automne et nous allions nous séparer. Il y avait un violon qui jouait dans. Les marronniers sont en fleurs. Depuis hier, Prague a repris 1000 couleurs. De ma fenêtre au quatrième où je dors, de ma fenêtre on voit la ville et ses toits d'or. Et il y a un violon qui joue dans. Thank you.

caméléon. Caméléon. Matt Houston. Quiero sexo.

voulez donc Survivor. Voici donc Douchka et puis juste après France Gall. L'aventure de la vie.

c'est toi qui m'avais. Pour la vie, jour et nuit, c'est toi, toi. Voilà donc 16h40, et bien c'est cette chanson là qu'on va se quitter, qu'on va se retrouver donc et bien vendredi prochain, et bien on se retrouve dimanche pour l'accordéon. T'es encore fatigué d'hier. Voilà donc, et bien je retrouve tout simplement comme je l'ai dit vendredi prochain, mais vous allez retrouver Emmanuel pour l'émission Découverte à partir de 5h, et puis juste après notre émission, juste après. Voilà donc, et bien je vous dis bon sang tous et aux toutes. Faire la fête comme si on l'avait jamais fait. La fête. On est tous faits pour faire la fête. Au pire, on l'a fait dans nos têtes. Comme si on l'avait jamais fait. La nuit est notre maison. Tu peux t'inviter sans raison. Sois à l'aise comme dans ton salon. Viens meubler ta tristesse. Viens, on se la joue, on se pavane. On se prend pour les lions de la savane. On est les rois de la Havane. Havana, oh nana. Ton histoire d'amour bat de l'air. C'est rien. Dans ton café t'as mis du sel. C'est rien. T'es trop petit pour toucher le ciel. C'est rien. Parce qu'on grandira demain. Tant pis si on tombe dans le vide. Va porter comme qui était rivage. Va porter l'amour double balançant. J'habite où l'amour est un village. Là où l'on m'attend. Qui me dira. Mon pays sera bien. J'irai où tu iras. Que porte la place. Qu'importe l'endroit.